voix, des fois le malade, des cendres, des favelas, filles en tenue de gala, faire imploser les molas. Tu peux courir tes chocolats pour venir à la bamboula. T'es qu'un pauvre cancre là, t'es tricard à la tombola. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, j'entends des bla bla. Ne réfléchis pas, sirote plutôt ta tequila. Dans les stades, t'es là ou là, ne t'use pas trop le cerveau-là. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. J'entends des bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Tout autour de moi, pour celle-ci ou celui-là, participe à la zarzuela. Chante comme nous à cappella. Je tape